Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de Frida Kahlo. Je dis Frida Kahlo, mais je devrais d'ailleurs dire Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, qui est son nom en entier et qui est connue sous le nom de Frida Kahlo. C'est une artiste peintre mexicaine née en 1907 dans la maison familiale connue sous le nom de Casa Azul, la Maison Bleue, qui est aujourd'hui un musée dédié à l'artiste où elle va mourir 47 ans plus tard, en 1954. Son père, Wilhelm Kahlo, mieux connu sous le nom de Guillermo, est un émigré allemand arrivé au Mexique en 1890 à l'âge de 19 ans. Sa mère, Matilde, elle, est originaire du Mexique et plus précisément de l'état de Oaxaca, dans le sud du pays. Son père est photographe et c'est à ses côtés, en tant qu'assistante, que Frida fait ses premiers pas dans le monde artistique. Dès son plus jeune âge, Frida a la santé fragile. À l'âge de 6 ans, elle souffre de la polio, ce qui va notamment affecter la croissance de sa jambe droite, qui est plus courte que sa jambe gauche. Son père va alors s'occuper beaucoup de sa fille et elle va en retour l'assister dans son atelier pour le tirage des photographies, pour le retouche ou pour la colorisation de certaines images. Elle va aussi l'aider de temps en temps pour les prises de vue, car lui-même est sujet à des crises d'épilepsie. Frida ne se destine toutefois pas à une carrière artistique. Son père voudrait qu'elle soit médecin et elle se décide finalement à étudier la biologie afin d'illustrer des ouvrages médicaux. Elle gardera d'ailleurs toujours une grande fascination pour l'anatomie. En 1922, elle rentre à l'école préparatoire nationale de Mexico, là où il souffle le vent nouveau des idées révolutionnaires de l'époque. Frida fait partie de la première promotion mixte de cette école et elle va sans doute y forger ses convictions politiques et sociales. Il faut noter que la révolution mexicaine, qui commence en 1910 et qui termine en 1920, a durablement marqué la société de l'époque et a durablement marqué Frida, qui va même, à un certain moment, aller jusqu'à falsifier sa date de naissance pour la faire coïncider avec le début de la révolution, donc 1910 au lieu de 1907. Un événement tragique va toutefois venir bouleverser la vie de Frida. En 1924, alors qu'elle rentre chez ses parents, l'autobus dans lequel elle circule est percuté par un tramway. Elle en sort miraculeusement vivante, mais avec de lourdes blessures. Il y a notamment une main courante de l'autobus qui va lui transpercer le dos et ressortir par son vagin. La collision lui occasionne de multiples fractures, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Ces blessures, ne vont jamais vraiment guérir. Et elle va subir de nombreuses interventions chirurgicales toute sa vie et souffrir toute sa vie de douleurs chroniques. Pendant sa convalescence, juste après l'accident, elle doit rester alitée pendant un an. Elle trouve alors dans la peinture une voie de survie et d'expression de ses douloureuses épreuves. Il y a un aspect cathartique très important qui va se retrouver de manière récurrente dans son œuvre, et il en résulte finalement qu'il est quasiment impossible de séparer son œuvre de sa vie personnelle. En 1944, elle peint par exemple un de ses autoportraits les plus célèbres, qui s'appelle La colonne brisée, où elle se représente la poitrine nue, enserrée dans un corset en fer, à la manière d'une planche anatomique. Elle va s'y peindre le tronc ouvert et figurant en place de sa colonne vertébrale, une colonne romaine brisée en plusieurs morceaux. Son corps, dans ce tableau, est également piqué d'une multitude de clous qui symbolisent les douleurs constantes que lui inflige son corps. Elle sera aussi la première artiste à représenter ouvertement un avortement, épreuve terrible et particulièrement taboue. En effet, dû à ses blessures liées à son accident, Frida Kahlo ne pourra jamais enfanter et elle devra subir un avortement thérapeutique. Elle se représente dans ce tableau, nue, sur un lit d'hôpital, entourée des différents éléments qu'elle relie à sa douleur. Au total, Frida Kahlo aura peint une cinquantaine d'autoportraits. On connaît d'ailleurs son œuvre principalement à travers ce sujet. Ce choix s'explique en partie par le fait que, longtemps alitée, c'était le seul modèle qu'elle avait facilement à portée de main. Un miroir avait d'ailleurs été installé à cet effet au-dessus de son lit. Mais cela fait également partie d'une tradition familiale, on pourrait dire, qui peut être reliée à l'activité de photographie de son père, qui a lui-même réalisé de nombreux autoportraits photographiques. Frida a ainsi intégrer à ses œuvres les attitudes et les mécanismes de représentation liés à la photographie et liés à l'autoportrait dans la photographie. En 1929, elle se marie au peintre muraliste Diego Rivera. Le couple déménage aux États-Unis, où ils vont vivre de 1931 à 1934, là où Diego va réaliser plusieurs commandes de peinture murale. Engagée au Parti communiste, Frida méprise ce pays, symbole du capitalisme qu'elle surnomme même Gringolandia. En témoigne d'ailleurs la toile qu'elle va réaliser intitulée Autoportrait à la frontière du Mexique et des États-Unis. Frida Kahlo et Diego Rivera sont des esprits très libres pour l'époque et tous deux entretiennent des relations extra-conjugales. Toutefois, le couple va divorcer en 1939 après que Frida Kahlo ait découvert la liaison qu'entretenait Diego avec sa sœur cadette. Ils se remarieront un an plus tard, mais cette période affecta terriblement Frida Kahlo. En 1939, elle peint Les deux Frida, un autoportrait en miroir présentant d'un côté une Frida en habit mexicain, qu'aimait particulièrement Diego, et en opposition une autre Frida en habit européen, rappelant ses origines, celle qu'elle était finalement avant sa rencontre avec le peintre. La même année, en 1939 donc, elle se rend à Paris, invitée par André Breton, pour une grande exposition sur le Mexique. Du fait de son goût pour les symboles et les représentations de son inconscient, elle a souvent été associée aux surréalistes, André Breton étant, on dit souvent, le pape du surréalisme. Frida Kahlo ne se reconnaissait toutefois pas du tout dans ce mouvement, expliquant qu'elle ne peignait pas ses rêves, mais elle peignait sa réalité. Et elle est d'ailleurs très déçue de cette exposition, elle va être extrêmement déçue, et elle va témoigner ensuite assez régulièrement de son aversion pour ces artistes parisiens qu'elle juge extrêmement bourgeois et terriblement insupportables. Sa première, finalement, et dernière, malheureusement, exposition monographique de son vivant au Mexique va être organisée par son amie Lola Alvarez Bravo au printemps 1953. Cette exposition, elle l'a d'une certaine manière attendue toute sa vie, mais elle est à ce moment-là de nouveau alitée après avoir subi de nouvelles opérations de la colonne vertébrale. Et son médecin refuse qu'elle se rende en vernissage. À vrai dire, il refuse qu'elle sorte de son lit, et du coup, qu'à cela ne tienne, elle fait transporter son lit jusque dans la galerie où elle peut du coup assister à son vernissage. Malgré toutes les souffrances qu'elle aura endurées toute sa vie, Frida Kahlo était une personne extravertie, une personne libre qui aimait rire et communiquer sa joie. Son personnage haut en couleur, facilement reconnaissable, fascine encore aujourd'hui. Elle est très connue et beaucoup représentée, notamment par rapport à sa façon de s'habiller, puisqu'elle s'habillait avec les habits traditionnels de Tijuana. Ses habits participent d'ailleurs à son héritage traditionnel familial, hein, puisque ce sont ceux que portait sa mère, qui était originaire du sud du Mexique. Et il manifestait aussi l'attachement de Frida Kahlo à la mexicanité. La mexicanité, c'est un mouvement insufflé par la révolution mexicaine qui vise à revaloriser les cultures mexicaines anciennes qui ont été invisibilisées par la colonisation espagnole. Frida Kahlo et son mari sont de grands collectionneurs d'objets d'art et d'artisanat préhispanique. Et cette influence transparaît d'ailleurs beaucoup dans les œuvres de Frida Kahlo, qui va militer pour le droit des autochtones. Aujourd'hui, la marque Frida Kahlo et l'usage de son nom appartiennent à une entreprise américaine qui l'exploite pour vendre bon nombre des produits dérivés à travers le monde. Cette entreprise a été créée par la nièce de l'artiste qui disposait des droits sur le nom de sa tante, mais sa nièce souhaitait au début, à travers cette entreprise, continuer l'aide sociale entreprise par sa tante. Mais à la mort de cette nièce, l'entreprise va définitivement abandonner ses vues sociales. Bien que la création d'un personnage ait été voulue par Frida elle-même, sa surexposition aujourd'hui éclipse bien souvent son œuvre. Néanmoins, c'est intéressant de remarquer que très tôt, de son vivant d'ailleurs, il existait une vraie fascination pour son personnage, et même une fascination particulièrement auprès des couches sociales les plus défavorisées. Cette fascination va entraîner un mouvement populaire de réappropriation de son image, qui se retrouvent en dérivé sur des produits, ce coup-ci artisanaux, qui sont plutôt faits par des populations mexicaines. Frida Kahlo fait en effet partie de ces artistes que l'on connaît plus pour leur personnage, un petit peu comme Andy Warhol, on pourrait dire, sur un autre niveau, ou pour leur vie, que pour leur travail. Néanmoins, on l'a vu, s'il est très difficile de séparer la vie de l'œuvre de Frida Kahlo, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est l'une des artistes femmes les plus connues et les plus appréciées au monde.